Cela nous remet les choses en place. Merci. Et continuons notre travail. Parce que figurez-vous qu'on n'est pas en train de s'amuser. On les fait dans les ludiques, on les fait dans les plaisirs. On les fait de bonne volonté et de bonne foi. Mais on travaille quand même. Voilà. On ne perd pas notre temps. Avec des interventions tendancieuses. Et sournoises en plus. Bon, je voudrais parler calmement avec ces messieurs. Ali, s'il te plaît, tu me l'amèneras et nous parlerons avec ton interprétation honnête de ce qu'il m'a dit. Parce que. Non, ce qu'il a dit. Bon, d'accord, ok. Bon, retournons à nos moutons. Allez. Bon. Alors. Il m'a perturbé. Voilà. Non, mais je dois détruire. C'est pas. Merde. Non, où. Les voilà, j'avais pas ouvert. Voilà. Bon, alors, j'étais en train d'essayer de répondre. Ce débat de fond, vous voyez, tu vois, Adèle nous oblige à être court. Hein, parce que là, on arrive vraiment dans un cas exemplaire des difficultés de la parole publique. La parole prise sur une place est magnifique, hein, mais n'importe qui peut l'abîmer. Bon, on y va. Allora, on survole le niveau de langage parce que je vois qu'il en profite. Bon, orizzontale e verticale, on a déjà parlé avec la solution della troisième dimension. Après, contre Descartes aussi, ce n'est pas lié, à mon avis, dans un débat qui s'occupe surtout de l'efficacité du mouvement, d'être reporté dans une commission pédagogique. Voilà, que j'ai encore pas expliqué. Et pour terminer, la proposition du système trinaire, effectivement, hein, c'est une très bonne proposition, mais en comptant qu'est-ce que tu veux, je commence par un, je passe à deux, et j'arrive à toi. Mais avant d'arriver à toi, je passe par deux. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Merci. J'attends les autres questions. Les messieurs éloignés, vous pouvez poser vos questions. Fais tourner. Tu veux prendre la. Ouais. Il reste que. Ouais. Bon, on fait deux tours. On fait deux tours de parole et puis on arrête. Quelqu'un veut prendre un tour de parole? Tiens, vas-y, Seb. J'avais pas vraiment de questions, mais en fait ça m'a pas mal parlé aussi le truc d'horizontalité, verticalité et de chercher aussi la troisième dimension. En fait ça m'a rappelé en fait des exercices d'informatique en fait où en fait on devait mettre quelque chose en 3D et du coup bah on a le point X, on a le point Y et on devait trouver le point Z et du coup c'est tout, c'est assez galère en fait. Mais ça m'a fait penser en fait que du coup c'est ce qu'on doit chercher, c'est un peu le point Z. Sauf que le point Z il est toujours en mouvement parce que là, on est comme c'est justement la profondeur et tout, mais le mouvement, enfin pour moi bah il est en mouvement du coup. Voilà. Et du coup ce point là sera toujours aussi en mouvement. Enfin, c'est pour moi ça m'a fait une image en fait vraiment mathématique quoi, X, Y, et je cherche le Z et je me suis dit que ce Z ça serait sûrement l'objectif en fait qu'on doit tous avoir en commun. Ou sinon, je voyais en fait, voilà, en tout cas, que le Z serait l'objectif et les X et Y, les formes un peu d'y arriver, quoi. C'est, je voyais un peu ça comme ça, mais bon, voilà, c'était pas vraiment. C'est-à-dire, pour toi, ça reste un moyen de description plutôt qu'une réalité. Hein? Un moyen de décrire la réalité, mais qui n'est pas réelle. La tridimensionnalité, pour toi, elle est abstraite, disons. Non? Non? Non, parce que j'ai entendu ces discours aussi par d'autres gens, et c'est effectivement. Et aujourd'hui, dans la philosophie, on met tout en doute, hein, donc on peut comprendre. Voilà. Bon. Non, ce qu'on peut mettre en doute à la base, c'est l'horizontalité. Alors, ça vient de bons sentiments, je suis d'accord, tout ça, l'horizontalité, c'est bien. Bon. Une fois qu'on a l'horizontalité, on peut essayer de penser à autre chose. Alors c'est quoi l'horizontalité? Bon, il n'y a pas que nous qui écoutons, hein. L'horizontalité, c'est faire en sorte que qu'on travaille de manière commune, qu'il n'y ait pas de tête qui dépasse, hein. Que chacun se sente, que personne ne puisse se sentir indispensable. C'est ça l'horizontalité. Maintenant, il y a des limites à l'horizontalité, et cette verticalité-là, des têtes qui dépassent, c'est nécessaire pour un mouvement, c'est nécessaire de manière générale dans la vie. Et voilà, je pense que c'est ce que disait le jeune homme juste avant. C'est pas quelque chose d'utopique, c'est quelque chose qui est dans une recherche continuelle. On est dans une recherche continuelle de cette trois dimensions. Donc effectivement, ça peut pas être plat comme l'horizon, ça peut pas être vertical simplement, mais il faut qu'on puisse rechercher un équilibre là-dedans. Et voilà. Et par rapport au jeune homme qui s'est exprimé avant, moi j'ai rien vu, entendu de tendancieux là-dedans. Simplement, peut-être qu'il a pris la parole au mauvais moment, et que là, s'il voulait pouvoir la prendre, il pourrait la prendre. Mais c'est juste un cri de ralliement. Et voilà, c'est sa manière de s'exprimer. C'est une manière très intéressante de s'exprimer. On pourra en parler des heures, mais je sais pas si c'est vraiment le sujet aujourd'hui. Tiens, vas-y. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, Ali, mais l'effet de s'adresser à la place avec des termes incompréhensibles. La moindre des choses, non, non, non. La moindre des choses, c'était prévenir. Du moment qu'on est prévenu, on réagit différemment. Prendre par surprise risque une réaction et une considération, une évaluation, etc., qui a provoqué, involontairement, je peux lui accorder. Mais ce n'est pas ce qu'on s'attend dans un lieu public. Est-ce que tu me comprends? Si tu veux... Hein? Voilà. Merci beaucoup. Allez. Donc là, tu vas prendre la parole, Adèle. Après, je te laisse faire la conclusion, on passe à l'autre personne. Ulysse, ok? Non, c'était pour repartir sur le trinaire, parce que t'as dit quelque chose, je suis obligé de rebondir, t'as dit, il y a un, après il y a deux, après il y a trois. Alors, il y a zéro, et pour qu'il y ait un, il faut que quelqu'un compte quelque chose. Donc pour qu'il y ait un, il y a déjà trois. Il y a zéro, celui qui compte, et celui qui est compté, qui fait un. Alors, excuse-moi si j'essaye de conclure. Les zéros, par définition, n'existent pas, et c'est une invention qui honore les Arabes. Parce que sans les zéros, aujourd'hui, on ne compterait pas. Mais, moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis romain. Hein? Et les romains comptent à partir de 1. Parce que, au début, on comptait avec ses doigts. Et comme tu sais, les chiffres romains, c'est 1, 2, 3. Et à 4, ils vont pas plus loin puisqu'ils font 4. Pour 4, c'est ça. C'est-à-dire, vous, la main, il compte avec les mains d'abord. La lettre vous, veut, les veut avec la main. Moi, un doigt. Et il y a une barre devant. Et après, pour continuer, il met une barre derrière. Mais, dans la logique, pour moi, les zéros n'existent pas parce que par définition, existe dans les mathématiques, je ne conteste pas, c'est une méthode, c'est un prétexte, c'est un raccourci, etc. Mais les zéros, c'est comme les néons, n'existent pas par définition. Hein? Et si tu veux, bon, il y a quelqu'un qui a écrit un gros volume sur l'être et les néons. Et qu'est-ce qu'il a pu dire pour les néons? Je n'ai pas le courage d'aller voir. Bon, merci, voilà. Merci à tout le monde de m'avoir prêté vos oreilles. Donc, merci Ulysse d'être venu. François, s'il te plaît, ramène-toi. Donc merci Alice. Donc le prochain débat, ça va être François qui va venir nous parler, faire des propositions d'amélioration de Nuit Debout. Donc on l'attend, restez là, il arrive.